بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم ما بعد. فهذه الحصة إن شاء الله والتي تليها والتي بعدها ستكون في محاضرة للشيخ صالح الشيخ حفظه الله، وهي تحت عنوان أدب السؤال وما ينبغي أن يكون عليه من يسأل. وأدب السؤال هذا يعني سأل أهل العلم رحمه الله تعالى وحفظ الله والأحياء. Donc cette séance et celle de demain et celle d'après-demain, inshallah, jusqu'à lundi, sont réservées à ce moment-là, après Salat al-Dhuhr, seront autour de ce sujet qui est le comportement, comment poser la question. C'est une conférence qu'avait faite Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala il y a peut-être plus de 15 ans maintenant. Et nous avons besoin d'apprendre le comportement du fait de comment poser la question aux hommes de science, comment s'adresser aux hommes de science. فقال حفظه الله بعد خطبة الحاجة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث هي عنوان السعادة، من وفق إليها فقد أوتي خيرا كثيرا، من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، ومن حيزت له هذه الثلاث فقد حيز له خير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها. Il a dit, après l'introduction, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens que si on leur a donné, ils sont reconnaissants, c'est-à-dire s'ils sont comblés des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient reconnaissants. Et quand ils sont éprouvés, ils patientent, ils endurent. Et quand ils font un péché, ils se repentent. Ces trois qualités-là, quand quelqu'un les a, ce sont les clés du bonheur. Ce sont les clés du bonheur. Le fait de recevoir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant. Et le fait, quand la personne est éprouvée, il patiente. Et quand il fait un péché, il se repent. Ça, ce sont les clés du bonheur. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des gens qui ont ces qualités-là, inshallah. يقول حفظه الله هذه الكلمة موضوعها أدب السؤال. Il dit ce sujet, cette conférence, son sujet c'est plutôt le comportement de la question. Comment poser la question aux hommes de science. والسؤال يقول حفظه الله هذا المقصود به سؤال أهل العلم أو سؤال المعلمين عما يحتاجه الناس. Il dit ce qui est voulu ici avec la question, c'est la question qui est posée aux hommes de science et la question qui est posée à ceux qui enseignent aux gens. Pour leur poser, pour leur demander des éclaircissements sur leur situation, sur les situations dont ils ont besoin des éclaircissements. يقول حفظه الله وإلا فإن عموم لفظها يشمل سؤال الرب عز وجل بالدعاء، لأن سؤال الله جل وعلا له أدب وله أحكام ينبغي للعبد أن يحيط بها وأن يكون مراعيا لها، لأن كثيرا من أسباب رد إجابة السؤال أن يكون السؤال فيه اعتداء، يعني من الله جل وعلا أن يكون السؤال فيه اعتداء، فهذا من أسباب رد السؤال وعدم إجابة السائل، أو يكون السؤال على غير المشروع، أو يكون السائل لم يحسن المسألة. فقد قال عمر رضي الله عنه في سؤال الله عز وجل إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء جاءت الإجابة. الله عز وجل dit كنت. Le sens général du terme, la question, cela englobe aussi le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question aussi, c'est une demande, ça rentre dedans aussi. Mais parce que le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de comportement. Et il a des règles à suivre. Et le serviteur doit prendre en considération ces règles et les mettre en application. Et il doit faire très attention à utiliser ce comportement au moment où il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Car beaucoup de causes qui font que la demande de la personne n'est pas acceptée, rejetée min Allah azza wa jalla, c'est parce qu'il a dépassé ses limites. Et Allah subhanahu wa ta'ala refuse de lui donner. Et donc, dans la question, il ne faut pas qu'il y ait le fait de dépasser ses limites dans la demande quand on fait de Allah subhanahu wa ta'ala. Car il dit dans un verset, ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en étant avec un bon comportement, en n'élevant pas la voix et en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, en montrant sa pauvreté devant Allah subhanahu wa ta'ala, et on dépasse, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui dépassent leurs limites. Et aussi fait partie de ça, c'est que les causes qui vont faire que le dua n'est pas exaugé, c'est que la personne soit pressée. Il soit pressé. Ou alors le dua n'est pas comme il est légiféré. La demande, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas selon la voie légiférée. Ou alors que la personne n'a pas bien su formuler sa question et sa demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab, il disait, je ne porte pas le souci d'être exaucé, mais je porte le souci du fait du dua. Comment demander? C'est la demande, si la personne a bien fait sa demande, il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui exaucer. C'est pour ça, Omar ibn Khattab, il portait plutôt le souci du dua. Et non pas le souci d'être exaucé ou pas. Pour lui, ça ne comptait pas. Mais le plus grand problème, c'est comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dans un hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil, fa yaqul qad da'awtu fa lam yustajab li. Et il est dans un hadith que chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, lui exauce son dua tant qu'il n'est pas pressé. Et il dit, j'ai demandé, et j'ai pas eu de réponse. Et j'ai pas été exaucé. Adabu su'al ma ahli l'ilm. Adabu su'al, l'a dit, huwa su'al ahli l'ilm, wal hajatu massatun, ila ma'rifati adab su'al ahli l'ilm. Ma tariqatu su'alihim, wa amma yus'aloun, wa kayfa yakunu su'al. وكيف تتلقى الإجابة وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم الإلحاح عليهم بالمسائل ونحو ذلك من الآذان. Nous sommes dans un monde, nous sommes en Europe, on est presque tous éduqués dans ces écoles de la laïcité, etc., où on ne nous a pas appris le comportement de poser la question aux hommes de science et la place qu'ont les hommes de science dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc encore nous plus que les gens qui sont éduqués en Arabie Saoudite et devant les hommes de science, ont besoin encore plus de s'acharner et d'avoir plus de cours à apprendre comment être avec les hommes de science, comment poser des questions aux hommes de science, comment être dans les assises des hommes de science. Donc le sujet c'est comment poser la question aux hommes de science. Et nous en avons besoin de connaître ce comportement de la question. Quelle voie prendre dans sa question et quelles questions poser aux hommes de science et comment il doit être posé et comment recevoir aussi la réponse des hommes de science et le comportement que nous devons avoir vis-à-vis des hommes de science et le fait de ne pas insister sur le fait de leur poser des questions. Tout ceci fait partie du comportement de celui qui veut poser la question. في أدب العلم والتعلم وفي أدب الطالب مع شيخه وفي حقوق أهل العلم عامة. والله عز وجل قال في محكم كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله عز وجل les hommes de science auparavant ils ont écrit beaucoup sur ce sujet, sur le sujet du comportement, le comportement de celui qui demande la science, le comportement de la demande et le comportement de celui qui demande la science et le comportement à avoir devant son maître, etc. Et les droits des hommes de science en général. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, dans la traduction approximative du ceci, les croyants et les croyantes, les uns et les autres sont des alliés, ils ordonnent le bien et ils s'interdisent le mal. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا ويقيل عثرة بعض. Et cela veut dire dans ce verset que les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres, là, que les uns s'aiment, ils s'aiment mutuellement, ils se font triompher mutuellement et ils ferment les yeux sur les erreurs de certains. Les uns ferment les erreurs, les yeux sur certaines erreurs, etc. وَمِنْ أَكْتَرِ أَهْلِ الْإِيمَانِ حَقًّا فِي الْوِلَايَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالنُّصْرَ أَهْلُ الْعِلْمِ. Et les personnes que nous devons le plus aimer, hein, et qui ont un devoir sur nous pour les aimer et être leurs alliés et les faire triompher et les respecter, ce sont les hommes de science. لأنهم لما شهد الله سبحانه وتعالى لهم شهد الله سبحانه وتعالى بأنهم أخصب أهل الإيمان لأن الله قرنهم بنفسه وملائكته بالشهادة بالتوحيد حيث قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a attesté qu'ils sont les gens qui ont le plus de foi fertile. Hein? Parce qu'il les a mis à pied d'égalité dans son attestation. Quand il est dit dans le verset, Allah a témoigné qu'il n'est digne d'être adoré que lui, tout de suite il a mis après en deuxième position les anges, et après tout de suite les hommes de science. Cela prouve qu'ils ont une place tout à fait particulière dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ulul ilmi من الناس هم الصفوة. Et les hommes de science parmi les gens, ce sont l'élite. L'élite de la communauté musulmane, ce sont les hommes de science. Et ça ne peut pas être autrement, ce sont les héritiers du prophète عليه الصلاة والسلام. كما قال أيضا سبحانه عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Il dit dans le verset Allah سبحانه وتعالى élève les croyants sont élevés et les hommes de, et ceux qui ont la science sont élevés à des degrés encore plus. Pourtant, les croyants et les hommes de science, les hommes de science rentrent dans les croyants. Mais là, après avoir généralisé, il a fait une particularité pour montrer l'importance des hommes de science. Hein? Ils ont des degrés encore plus que les croyants. Si les croyants sont élevés, les hommes de science parmi les croyants sont élevés à des degrés plus hauts. فالله عز وجل رفع المؤمنين جميعا. رفعهم درجات ورفع أهل العلم من المؤمنين على أهل الإيمان عموما درجات. فهم الخاصة وهم الصفوة لأن معهم من فهم كلام الله سبحانه وتعالى وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل قلوبهم أكثر نورا من قلوب غيرهم لأن النور بالعلم والنور إنما هو بفقه القرآن والسنة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله سبحانه وتعالى إلى élevé les croyants sur tous les autres créatures, sur tous les autres humains, il a élevé les croyants. Il les a élevés en degré. Mais les hommes de science, il les a mis au-dessus, à un degré plus élevé que les croyants en général. Et ce sont les particuliers, ce sont l'élite de la communauté, car ils ont la compréhension, ils ont avec eux la compréhension de la parole d'Allah et la compréhension de la sunna du prophète. Ce qui illumine leur esprit, leur cœur, hein, et ils ont une lumière particulière dans leur cœur, par exemple avec eux la science. La science et la compréhension de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète. Il dit dans le verset, il vous est arrivé d'Allah Azza wa Jal une lumière et un livre clair. Cette lumière, c'est quoi? C'est cette révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hommes de science, eux, ils l'ont cette lumière avec eux. Man faqiha al-Qur'an wa faqiha as-sunna kana a'zama nuran fi al-qalb wa kana a'zama haqqan li huquqi ahli al-iman. Celui qui a la compréhension du livre d'Allah et la compréhension de la sunna du prophète, il a plus de lumière en lui et dans son cœur, hein, et plus de clairvoyance, et il a des droits plus parmi les gens de la foi. Les gens doivent le respecter, et il a des droits, et les gens doivent s'acquitter de certains devoirs et de certains droits vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis des hommes de science. Le mulahad, أن الحريص على الخير من الناس يسأل أهل العلم. يسألهم في مسائل فقهية فيما يواجه أو يسألهم في مسائل اجتماعية فيما يواجه من مشاكل في بيته أو في عمله أو نحو ذلك. Et ce que tu vois, ce que tu remarques, que les gens qui veulent le bien et qui veulent la réussite dans ce bas monde et dans le delà, ils posent des questions aux hommes de science. que ce soit au niveau de la jurisprudence, en ce qui concerne les adorations, ou que ce soit concernant les problèmes sociaux qu'il rencontre, ou les problèmes dans le commerce, etc., les problèmes qu'il rencontre dans son travail, à la maison, dans l'éducation de ses enfants et autres, vers qui il s'oriente pour avoir la réalité de la situation et comment agir avec la situation. Il s'oriente vers ceux qui sont dignes de donner la réponse, qui sont les hommes de science que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé avec cette science. « Wais'alu al-muta'allim al-mu'allim » Et celui qui apprend ces hommes de science, à qui il va demander? Il va demander directement à son maître. « Yaqulu al-shaykh hafidhahullah, lakin wajadna katira min al-as'ila qad kharajat amma yanbaghi min mura'atihi min tawqir ahli al-ilm wa min mura'atihi mu'adam al-ikhlal bihaqqihim » فتجد أن من الناس من يخوض في سؤاله أهل العلم أمورا لا ينبغي أن يخوض فيها. Et cher de dire, nous avons trouvé, ça il y a plus de presque 15 ans maintenant quand il a fait cette conférence. On a vu que il y a des gens dans leurs questions ne respectent pas les hommes de science. Ils vont dans des sujets avec les hommes de science où ils ne doivent pas rentrer avec dans ce genre de sujet. Et dans la question, on sent qu'il n'y a pas de respect à l'homme de science et où ils ne s'acquittent pas de leur devoir vis-à-vis de l'homme de science et dans lequel on sent le manque de respect. Fi al-faqrat al-ukhra al-shaykh yubayyin laka annahu jaa an-nahyu 'an kathrati as-su'al. Après ce paragraphe, Cheikh, dans sa conférence, il te montre comment qu'il n'est pas permis et qu'il est interdit d'avoir beaucoup de questions et de ne cesser de poser des questions. يقول حفظه الله وأصل كثرة السؤال وكثرة المسائل قد جاء النهي عنها فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. Et l'origine du fait de poser beaucoup de questions et de se mettre beaucoup de sujets et de mettre beaucoup de sujets, l'interdiction est venue et il est confirmé dans les authentiques. Le hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je vous ai interdit, abstenez-vous, ne le faites pas. Et ce que je vous ordonne, faites ce que vous pouvez, c'est-à-dire selon vos capacités. Car ceux qui ont péri avant vous, ça veut dire les gens des livres qui sont passés, ils ont péri parce qu'ils ont posé trop de questions à leur prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient en divergence avec leur prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. » Ici, les questions dont il s'agit ici, c'est les questions qui ne sont pas arrivées. Et la personne, il pose la question sur des situations qui n'arrivent pas, qui ne sont pas là encore. Il ne les vit pas, comme quelqu'un qui pose, « Eh, cher, comment je fais si je suis dans la lune pour faire l'eau d'eau ?» Ah, là, c'est dépasser sa limite. Attends que tu y sois déjà, d'y être, et à ce moment-là, tu poseras la question. C'est dépasser sa limite. Et donc, ce qui a fait périr les populations avant nous, c'est le fait de poser des questions qui ne sont pas arrivées. قال أهل العلم قوله كثرة مسائلهم يعني عما لم يقع وعما لم يأتي بيانه في الكتاب المنزل. Les hommes de science disent que beaucoup de leurs questions concernant les situations qui ne sont pas encore arrivées, ou concernant les choses sur lesquelles il n'y a pas eu d'éclaircissement dans le livre d'Allah. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مسألته. C'est ça qu'il est rapporté dans l'authentique, que le pire des musulmans qui a commis un crime très grave, c'est celui qui a posé des questions sur des sujets qui ne sont pas encore arrivés, qui n'étaient pas illicites, et à cause de sa question, la situation est devenue illicite, ou la chose sur laquelle il a posé une question est devenue illicite. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumullah ta'ala. وقد قال عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. النهي هنا عن كما يقول الإمام السعدي رحمه الله النهي عن السؤال عن أشياء إن بينت أساءت الناس وأحزنتهم كسؤال الصحابة مثلا عن آبائهم، أهم في الجنة أم هم في النار؟ فإذا قيل لهم أنهم في النار ماذا سيقع؟ سيحزن الصحابة. وكالسؤال الذي يترتب عليه التشديدات في الشرع. وما غير ذلك فالله سبحانه وتعالى أمر بسؤال أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل il dit dans le verset ne posez pas des questions sur des situations, sur des choses. Si vous allez les connaître, ça va vous faire du mal. Et les questions dont il s'agit, qui sont interdites ici, comme dit l'imam Sa'di rahmatullah alayhi dans son verset, il dit, fait de poser des questions sur des choses, et quand tu sais la réponse, ça va t'attrister. Comme le fait que les compagnons, leurs parents qui sont morts dans la mécréance, ils posaient des questions sur eux. Est-ce qu'ils vont être au paradis ou ils vont être en enfer? C'est son père. Donc c'est normal qu'il va être attristé. Donc ce genre de questions, il ne faut pas le poser. La même chose, le genre de questions qui vont rendre la législation plus sévère et plus dure, et qui vont rendre une situation très large, qui vont la rendre très étroite. Comme la question de Banu Israël concernant la vache. Allah subhanahu wa ta'ala au départ, n'importe quelle vache. Mais eux, ils ont posé des questions, ils n'ont pas arrêté de poser jusqu'à ce que la situation est devenue très étroite et il leur a été demandé une vache particulière. Pourquoi? À cause de ces questions. Et c'est ce genre de questions qui est interdit. Mais, quant aux questions dont tu as besoin, etc., il est venu dans un autre verset et il dit, demandez aux hommes de science qu'on ne vous savez pas. والأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السؤال متعددة. إلى حديث qui sont dans la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام qui nous interdisent le fait d'avoir beaucoup de questions. Sont nombreux. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تدبر هذا آخر الإسلام. ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلها في القرآن. قد قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض وإذا سألك عبادي عني إلى غير ذلك من المسائل. عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم يدي j'ai pas vu des gens qui sont mieux que les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Regarde cette situation. 23 ans de vie avec le prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont posé 13 questions. Et ces 13 questions, ils sont dans le Coran. Ils sont cités dans le Coran. Ils n'ont pas été chercher l'orlotat et des choses qui ne sont pas arrivées, etc. Ce sont des sujets qui sont dans le Coran directement. Ils ont posé la question, ils te posent des questions sur les monstrues. Et ils te demandent où je suis. Ils te posent des questions sur moi, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-leur que je suis proche, etc. C'est ce genre de questions qu'ils lui ont posées. Et la majorité, les 13 questions qu'ils lui ont posées, alayhi wa sallam, ils sont dans le Coran. مجموع ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم منه مقربون إنما هي 13 مسألة وكلها في القرآن. وقد كان الصحابة من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كراهتهم لكثرة المسائل يحبون أن يأتي الرجل من البادية ومن خارج المدينة حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد من السؤال ومن الجواب. إيه donc 13 questions ont posé les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام à رسول الله عليه وسلم alors qu'ils sont très proches de lui. Et il les aimait beaucoup, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, leurs questions étaient 13, tous dans le Coran. Et tellement les compagnons du prophète alayhi wa sallam respectaient le prophète alayhi wa sallam, et ils n'aimaient pas trop le gêner et lui poser des questions. Et ils aimaient quand un bédouin arrive, quand il arrive, quelqu'un qui est en dehors de Médine, et quelqu'un qui n'est pas tout le temps avec eux, ils aimaient celui-là qui arrive parce qu'il va poser, il va avoir l'audace, il va poser des questions à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils vont prendre la leçon, ils vont avoir deux bénéfices, d'entendre la question et le problème des gens, et en même temps d'avoir la réponse. Et ils aimaient beaucoup ça, ridwanullah alayhi. وقد جاء ايضا في الحديث الصحيح ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال فيما لا يعني ومن وفي ما سيكون سبب للتشديد في الشريعة. Donc, et il est rapporté dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a détesté pour vous. Ils ont dit, nous avons dit, j'ai dit, etc. Balabrer pour palabrer tout simplement et pour perdre du temps. Et poser beaucoup de questions. Des questions dans lesquelles il va en découler une certaine qui va ramener une dureté dans la législation. Ce genre de questions, ou des questions, poser des questions sur du sujet qui ne nous concerne pas. Hein. Et ceci est interdit. Et le fait de gaspiller l'argent. Ce sont trois choses qui sont interdites. وقد قال أيضا الحجاج بن عامر الثمالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة السؤال. يعني notre compagnon a dit que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit attention au fait d'avoir beaucoup de questions et de poser beaucoup de questions. فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم إنما ذلك داخل في المكروه إلا ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه. Et donc les hadiths sont là pour nous prouver fait de poser beaucoup de questions aux hommes de science, ceci est du domaine du détestable. Ce n'est pas interdit, mais c'est détestable. Sauf ce que tu as besoin. Tu leur poses des questions sur les situations et sur les problèmes que tu rencontres avec les règles, en respectant les règles de la question. Wallahu azza wa jal amara al-mu'minina bi an yas'alu idha jahilu. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala lamma ankara kuffar quraish an yakuna ar-rasul basaran بشر الرسول رجلا وقال إن الرسول وقالوا إن الرسول يجب أن يكون ملكا قال سبحانه وتعالى في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أخذوني أخويون دو دوموندي et de poser des questions quand ils sont ignorants, quand ils ignorent ce qu'ils doivent faire donc, dans une situation, etc. Ils doivent poser des questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les mécréants de Quraysh quand ils ont dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam que le prophète, que le messager doit être, ne doit pas être un homme. Hein, et que le messager doit être un ange. Et dans le verset dont les abeilles, Allah subhanahu wa ta'ala les blâme dit. Tout prophète que nous avons envoyé avant toi, tous les prophètes que nous avons envoyés avant toi, ce sont des hommes. Demandez aux hommes de science, si vous ne savez pas. Aux hommes de science ici, il s'agit de qui? Les hommes de science du genre du livre. En particulier. Mais tous les hommes de science, dans le sens général du terme, qui demandent aux hommes de science parmi les hommes de la communauté, c'est-à-dire les savants de cette communauté, rentrent dedans. Hommes de science, si vous ne savez pas, ceux qui connaissent Zobor, et nous t'avons descendu, Mohamed, la révélation pour que tu éclaires les gens sur ce qu'il aura été descendu, peut-être qu'ils vont méditer. فهذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى فيها أهل الشرك كفار قريش وغيرهم أن يسألوا أهل الذكر يعني يسألوا أهل الكتاب عما إذا كان الرسول الذي جاءهم بشر أم هو ملك. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il demande aux associateurs et aux mécréants de Quraysh de demander aux gens de science, qui sont les gens du livre, est-ce que les prophètes qui leur sont arrivés sont des hommes ou ce sont des anges ? فإذا كان الرسول الذي جاءهم بشرا فاقبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر قد خلت من قبله الرسل. وقد وصف أهل الكتاب بأنهم أهل الذكر لأن الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو الذكر وعلى الذكر القرآن كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Et donc, il leur demande de poser la question aux gens du livre. C'est le message qui leur est arrivé. Est un être humain, donc vous devez accepter le message de Mohammed alayhi salatu salam et accepter Mohammed alayhi salatu salam en tant que messager car d'autres prophètes et d'autres messagers en tant qu'humains sont passés avant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens du livre comme quoi ce sont les gens dialectiques, les gens de la science. Car ce qu'ils avaient c'est un livre qui est descendu min Allah azza wa jal, Zobor, Torah, etc. C'est des livres qui sont revenus, c'est un rappel aussi. Mais le plus important des dhikr et qui prend le dessus sur tous les autres, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset, nous avons descendu dhikr et nous le protégeons. وهنا في هذه الآية قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال العلماء هذه الآية نازلة في سؤال أهل الكتاب ولكن عموم لفظها يشمل سؤال أهل القرآن وأهل السنة لأنهم أحق ببيان ما نزل الله عز وجل. ولهذا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. En ce qui concerne ce verset, et demandez aux hommes de science si vous ne savez pas, hein, les hommes de science disent que ce verset est descendu concernant les gens du livre. Mais le sens général du terme, de la définition et du contenu du texte englobe aussi le fait de demander aux gens du Coran, aux gens de la Sunna, car ils sont en priorité. C'est à eux en priorité auxquels on doit demander. Car il est dit à la fin du verset, nous t'avons descendu. Dhikr, pour que tu éclaires les gens sur ce qui leur a été descendu. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل فإن الله جل وعلا أمر من لم يعلم بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الذكر في جميع الحوادث وفي ضمن ذلك تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر الله جل وعلا بسؤالهم وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة. العلامة الشيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى dans son interprétation du Coran dit et le sens général de ce verset il y a dedans le fait l'éloge aux hommes de science et le plus haut degré de la science étant le fait la connaissance la science du livre d'Allah la science qui a rapport avec le livre qui est descendu min Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à celui qui ne sait pas de revenir vers les hommes de science, vers les gens d'Al-Dhikr, ceux qui connaissent et qui connaissent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les événements, dans toutes les situations. Et ce verset contient aussi le fait, l'éloge des hommes de science. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des hommes de science puisqu'il a ordonné à ceux qui ne savent pas de demander à ceux qui savent. Et dans ces cas-là, l'ignorant, quand ils demandent aux hommes de science, il a fait son devoir, il a accompli son devoir. Et tu vois l'ordre dans le verset, « Fas'alou, demandez aux hommes de science, c'est un ordre, minallah azza wa jal. « Fas'alou, alayhi dhikrin kuntum la ta'lamou. » Et dans le verset, comme dit Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi, on voit que les gens sont divisés en deux dans la communauté. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala intime l'ordre à ceux qui ne savent pas de demander à ceux qui savent. Et il a fait obligatoire pour ceux qui savent de répondre à ceux qui ne savent pas quand il leur pose la question. فيقول حفظه الله تعالى إن الأصل موجود في كتاب الله وأن المرء إذا جهل شيئا ولم يعلم حكمه فإنه يسأل عنه أهل العلم. L'origine se trouve dans le livre d'Allah. Et l'être humain, quand il ignore quelque chose, il ne connaît pas la sentence de quelque chose, il est obligatoire pour lui, c'est un devoir de demander aux hommes de science. وإذا سأل عنه أهل العلم أهل الكتاب والسنة الذين رسخت قدمهم في ذلك فإن تبعته في ذلك تزول لأنه قد سأل من أمر الله عز وجل أن يسأل. Et donc, quand l'être humain ne connaît pas une situation, il demande aux hommes de science, aux hommes qui ont la connaissance du livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, les gens qui sont ancrés dans la science, il a fait son devoir. Il est ignorant, il a demandé un homme de science, donc il a rempli son devoir. Et parce qu'il a mis en application ce que lui a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de demander un homme de science. فمن جهل شيئا وسأل عن حكمه فأفتي من ثبت فإن تبعته قد زالت وقد برئ من التبعة فإذا امتثل ما أفتي به فيكون قد زال عنه المحظور لأنه امتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Celui maintenant qui ignore quelque chose et qui demande, qui met en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'homme de science digne du nom, l'homme de science digne du nom, lui donne le verdict et qu'il le met en application, lui il a rempli son devoir, ça y est, il est innocent de la situation. Ça y est, son devoir et ce qui lui incombe, il l'a fait. Il a mis en application le verdict que l'homme de science lui a ordonné, il a mis en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala a vu de lui, qui est le fait de demander aux hommes de science quand on ne sait pas. Évidemment, il faut qu'il demande à un homme de science digne du nom. Et les hommes de science dans la communauté sont de trois sortes. Ulama al-Milla, wa ulama al-Umma, wa ulama al-Dunya. Trois sortes d'hommes de science dans cette communauté. Les hommes de science pour ce bas monde, ils sont clairs, c'est clair. Tout ce qu'il fait, c'est pour ce bas monde, il est physicien, etc. Tu ne demandes rien en ce qui concerne ta religion. L'affaire, elle est claire avec lui. Le problème, il est dans les hommes de science, la deuxième catégorie, qui sont les hommes de science de la communauté. Ceux-là, ils sont très dangereux. C'est le plus dangereux et c'est le danger et la calamité de cette communauté. Ce sont ceux qui donnent les autorisations à outrance à la communauté. Là, la communauté a besoin de riba et a besoin, il met le ceci, etc., pour avoir un logement, etc., et pour l'acheter avec riba. Il lui donne l'autorisation. Il lui trouve une excuse pour lui donner l'autorisation. La femme, il faut qu'il travaille, etc. Il va lui autoriser le fait de la mixité, etc. On est dans un autre monde. La femme voyage toute seule, etc. Il n'y a pas de problème. On est dans un monde moderne, l'avion, etc. Tout est facile maintenant, les choses ont changé et les gens sont dignes de confiance, etc. Comme c'est ceux-là au milieu duquel on vit, sont plus dignes de confiance que les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'avia. Et les hommes de science de la Milla, ceux-là, ils ne craignent personne. Ils ne craignent qu'Allah Azza wa Jal. Ils donnent les verdicts selon le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on déplaise à qui que ce soit, peu importe pour eux. Ils veulent la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent pas mentir sur Allah, subhanahu wa ta'ala, ni induire la communauté en erreur. Et c'est pour ça que le commun des musulmans, il faut l'orienter vers l'homme de science digne du nom. Il faut lui faire comprendre que le docteur de la télé ou etc., Hada, il n'est pas digne du nom. Hada, quand il lui pose la question, il n'a pas rempli son devoir et demandé aux hommes de science ce qu'on vous ne savez pas. Donc, c'est pas parce qu'il a demandé à un savant de la communauté, à celui qui donne les autorisations que c'est, il a rempli son devoir. Non, Yahya al-Islam. Bon, il faut l'orienter. Il vient et tu dis, j'ai demandé à tel. À tel akhi. Ces verdicts ne sont pas compatibles. Ils ne vont pas de pair avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, authentique de la sunna. Toi, tu as demandé à quelqu'un parce que tu sais qu'il va te donner une autorisation. On dit, va demander à Amr Khalid, il te donne ce que tu veux. Tu as cherché quoi? Il a cherché la facilité. Donc, tu n'as pas rempli ta fonction. Parce que Hada, il n'est pas digne de la science. Et ce n'est pas un homme de science non plus. Là, tu demandes à Hada, un ministre des Tijuana, dont en France, etc., comme Iqusen, ou là, Omar Sfar, etc., ou là, Tariq Ramadan, ou là, autre, tu n'as pas demandé un homme de science. Tu as demandé un théoricien et un philosophe, et quelqu'un qui fait partie de l'école de la raison. Tu as demandé à quelqu'un qui va te répondre avec une logique et qui va te donner quelque chose qui te correspond en étant ici, etc., etc., qui va te faciliter la situation. Tu cherches la facilité. Demander à l'homme de science digne du nom. فناتي الى المحور الاخر في المحاضره يقول هو احوال السائل والمسؤول وادب السؤال. Donc l'autre paragraphe dans cette conférence c'est la situation de celui qui pose les questions. Et la situation de celui à qui on a posé la question et le comportement de la question. سؤال اهل العلم وسؤال اهل الذكر له احوال. الناس يحتاجون إلى أن يسألوا ولا بد ولكن هذا السؤال من حيث هو له أحوال حال من جهة السائل وحال من جهة المسؤول فالسائل ينبغي له أن يراعي تأدبا وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق للحق إن شاء الله يجب على السائل أن يراعي آدابا وأن يراعي أشياء منها. Donc là, le fait de poser la question à l'homme de science et aux hommes de science, là, c'est des situations. Ce sont plusieurs situations. Et les gens ont besoin de poser des questions. Mais la question passe par des situations. Première des situations, c'est la situation de celui qui pose la question. Et la deuxième situation importante, c'est celui à qui la question est posée. Celui qui pose la question doit être d'un comportement pour acheminer, pour amener sa question à l'homme de science et pour qu'il puisse recevoir la réponse qui correspond à la vérité par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui pose la question va avoir un certain comportement. Il doit prendre en considération certains points au moment où il pose sa question. Premièrement, la chose qu'il faut qu'il prenne en considération, c'est la clarté du sujet. Quoi que ce soit, des trucs qui ne sont pas clairs. Il faut que ce soit clair, que la situation et le sujet soient clairs. من تلك الأشياء التي يجب أن يراعيها السائل أن تكون مسألته واضحة غير ملتبسة يعني أن يتبين المسألة قبل أن يسأل. Parmi les choses qu'il faut prendre en considération, c'est que ton sujet ou ta question doit être clair. Il doit pas être déguisé, ni d'ambiguïté dedans. Il faut que toi déjà ta question soit claire dans ton esprit. Pour que tu puisses arriver à la réponse et à la vérité que tu cherches. والملاحظ أن من المسلمين من إذا جاء على باله مسألة أو واجهته مشكلة فإنه يأتي أهل العلم ويسأله مباشرة دون أن يستحضر ويستعد لتفاصيل هذه المسألة. ومباشرة يرفع الهاتف ويسأل العالم عما عرض له دون أن يستحضر ما اتصل بهذه المسألة. فإذا استوضح المسؤول أتى العالم وسأله عن بعض التفاصيل قال والله ما أعرف هذا فلان أوصاني هذا كذا هذا لا أدري فكيف يمكن أن يصل إلى الجواب. Donc et la chose qui est remarquée chez ceux qui posent les questions, quand la personne il a un problème à l'esprit ou là il est en face d'un problème etc. ou il a une question qu'il veut poser, il vient directement chez l'homme de science sans réfléchir à sa question et sans la formuler, sans voir le comment et le pourquoi de sa question pour que ça soit clair. Tout de suite, dès que ça lui est passé à l'esprit, il prend le téléphone et allô, il pose la question. Ce qui est passé à son esprit. Sans se présenter la situation, ils sont se présenter la question comme il se doit. Et quand l'homme de science lui demande des éclaircissements, il ne sait pas. Il ne sait pas, tel m'a dit, quelqu'un m'a demandé, je ne sais pas. Là, comment il peut arriver à une question véridique? Comment il peut arriver à une réponse claire, à une réponse qui va vers la vérité? Il ne peut pas y arriver, parce que sa question n'est pas claire. Et lui, il ne sait même pas présenter sa question. Tout de suite, c'est passé à l'esprit, tac le téléphone, et ça y est, on y va. Ou là, devant, il formule sa question. فلا بد للسائل أن يستحضر تفاصيل المسألة قبل أن يسأل، لأن السؤال تسأل فيه عن حكم الله عز وجل الذي إذا أدركته يعني أدركت الحكم فقد برئت من التبعة. والمسؤول العالم الذي يسأل لا بد أن تكون المسألة عنده واضحة، وإلا فكيف يجيب على شيء ليس بواضح. Il est obligatoire pour celui qui pose la question qu'il se présente les détails de la situation et de sa question dans son esprit. Car tu vas demander, poser une question sur une sentence, sur une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as la réponse, et ce que tu dois faire, ça veut dire que tu as rempli ton devoir. Et celui à qui on pose la question, en l'occurrence l'homme de science, il est obligatoire que la situation doit être claire pour lui, doit être claire devant lui. Sinon, comment veux-tu qu'il te donne une réponse à une question qui n'est pas claire? Il y a une situation qui n'est pas claire. Ce n'est pas possible. S'il n'a pas le détail de la situation par lequel il va s'imaginer la situation, il ne peut pas donner sa réponse. Car le fait d'émettre un verdict découle du fait d'imaginer la situation déjà. Et comment il peut l'imaginer si tu ne lui donnes pas une réponse qui est claire, qui est simple, qui est claire, et dans lequel il y a les détails qu'il faut. ولهذا ينبغي للسائل أولا أن يستحضر السؤال جيدا وأن يعد له ولهذا ينبغي للسائل أولا أن يستحضر السؤال جيدا وأن يعد له في عبارة ملخصة. لا تظن أن المسؤول المفتي طالب العلم الذي تأهل للجواب، لا تظن أن الذي يتصل عليه واحد فقط أو اثنين اليوم مع الاتصالات مع الهاتف، صار الذي يتصل من الداخل من داخل البلاد التي يوجد فيها العالم وخارج البلاد عشرات الآلاف في السنة مثلا، وفي اليومين واحد ممكن يتصل عليه 20-30-40 أكثر بعض أهل العلم، هاتفهم لا ينقطع، الهاتف لا ينقطع. فلهذا كان من الأدب الذي ينبغي مراعاته أن يستحضر السائل ضيق وقت المفتي، ضيق وقت المجيب على السؤال، فعليه أن يعد السؤال بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ويجتهد في أن يعين المفتي على وقته وحتى تكون المسألة أنفع. Ça, celui qui pose la question, il est de son devoir de se présenter, de bien se présenter à son esprit la question, et que la question soit claire, et qu'il la prépare dans une expression très courte et très claire, et qu'il ne croit pas que celui à qui il va poser la question, que ce soit le mufti ou le demandeur de science qui est digne de répondre aux questions, ne croit pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui le contacte pour son problème. Aujourd'hui, avec les communications, par exemple, quand tu appelles en Arabie Saoudite ou autres les hommes de science, ben, il y a des gens de l'intérieur qui leur posent des questions, d'autres gens qui de l'extérieur, que ce soit d'Orient ou que ce soit d'Occident ou d'ailleurs. Donc, certains hommes de science, ils arrivent à 10 000 coups de téléphone qu'ils reçoivent dans une année. Imagine dans la journée, certains. Donc, il est obligé que son temps il soit minutieux. C'est pour ça que des fois, tu entends qu'il te dit, sois précis. Soit précis et clair, que ce ne soit pas long. Hein? Parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes. Il n'est pas à toi tout seul quand tu prends le téléphone ou que tu l'as au bout du fil. Il n'est pas à toi tout seul. Il faut que tu prennes en considération son temps et les autres qui attendent aussi pour avoir des réponses. Il était une fois, chez Cheikh Al-Uthaymeen Hafidhahullah Ta'ala, il avait une pièce qui était réservée au haut du haram. Quand ils se reposaient entre l'Asr, il Mughrab, Ramadan, il recevait les visiteurs pour poser des questions particulières. Et là, il y a un téléphone aussi. Dans cette pièce-là, il y avait un téléphone. Il n'arrêtait pas. Il répondait à ceux qui étaient là. Et en même temps, le téléphone, il n'arrêtait pas. On demande comment il fait. Est-ce qu'il fait les bras, voilà. Mais il n'arrêtait pas de prendre le téléphone et de le baisser, etc. Ça n'arrêtait pas. Jusqu'à le Mughrab. Ça n'a pas arrêté. Il répondait à tous ceux qui étaient là, plus le téléphone, plus ça se coupait avec le téléphone, et il reprenait, subhanallah, des choses extraordinaires, des questions qui lui sont posées par ceux qui sont là. Il n'a pas donné la réponse complète, il s'est arrêté au milieu, et il répond au téléphone aux questions, et après il reprend à la même place, subhanallah. Il reprend, et il répond, et il reprend au même point qu'il a laissé celui qui était là. Alors qu'il a écouté une question, qu'il a répondu à une question, etc. Et on a entendu au téléphone dire des fois, sois court. Hein? Il y a du monde devant moi, il y a du monde qui attend. Donc il faut prendre en considération le temps de l'homme de science. Hein? Il ne faut pas lui perdre son temps parce qu'il y a d'autres personnes. Peut-être des fois, il y a un chir, une voix, il avait éteint son portable. Et dedans, dans le téléphone, le laps d'un temps de chez... plus une prière, ou là, une prière surrogatoire, ou là, une course. Et bien, il a trouvé quelqu'un qui essaye de le contacter pour parler avec lui, pour l'apaiser, et après, il a trouvé un message comme quoi la personne s'est suicidée. Donc, il y a des gens qui attendent, tu as des gens qui sont malades, tu as des gens qui ont des problèmes énormes, etc. Donc, toi, si tu prends le temps, il fait n'importe quoi, etc., etc., qadallah, ma shafa'al. Donc, il faut prendre en considération le temps de l'homme de science. Et il faut que nos questions soient très claires et très brefs, directement au but, hein, pour aider l'homme de science, et pour aider celui à qui on demande un verdict. C'est pour ça que maintenant, tu ne t'étonnes pas quand tu téléphones sur certains portables, ou certains, tu trouves une boîte vocale dans l'homme de science, il te dit de telle heure à telle heure seulement, et tel jour, il répond. Parce qu'il ne peut plus. Parce que si son téléphone reste tout le temps ouvert, ben, il n'aura plus le temps de faire ses recherches, d'écrire ses livres, etc., de s'occuper de sa famille, de ce qu'il fait de sa vie, etc. Il a une vie, il a une famille, etc. Hein, donc, c'est pour ça que maintenant, certains, ils ont des jours bien précis durant lesquels ils ouvrent porte ouverte pour le téléphone et ils te répondent aux questions. C'est tout à fait normal. S'ils ont une vie, et aussi, ils ont d'autres travaux à faire, des recherches scientifiques, etc. Tu entends le frère, tu dis, on n'arrive pas à joindre tel cheikh, on n'arrive pas à joindre tel cheikh. Ben, essaye d'avoir des horaires où il répond. Tous, presque tous maintenant, ils ont des horaires fixes, dans lesquels il te répond à tes questions. Soit des jours fixes, soit tous les jours, à un moment bien précis, il te répond à tes questions. فيقول الشيخ حفظه الله يعني لا تظن أن هذا الذي أجابك وردت عليك بالهاتف من أهل العلم أنه لك وحدك بل اعتقد أن الذي يسأل أهل العلم في اليوم عشرات الناس يسألون في كل وقت فلا بد من رعاية الحال والتأدب معهم في اختصار المسألة وتقبل الجواب بحسب ما أورد وتقبل الجواب بحسب ما أورد فإذا كانت المسألة واضحة كان الجواب واضحا il dit حفظه الله تعالى ne crois pas que celui qui te répond à ta question, et qui est au bout de l'autre côté, au bout du fil, parmi les hommes de science, il est à toi tout seul. Il faut que tu saches que beaucoup de gens lui posent des questions à tout moment. Donc il faut que tu prennes en considération ceci, et que tu sois, et que tu aies un comportement digne, fait de celui qui respecte l'homme de science, et qui respecte les horaires et le temps de l'homme de science, et que ton sujet soit bref, et que tu acceptes la réponse qu'il t'a donnée. Si la question est claire, ben il est évident que la réponse va être claire. Il dit le cheikh wa li hadha tara. An-nas ila Jibril alayhi salatu wa salam dalil ala wuduh al-mas'ala وما ينبغي على وضوح المسألة من وضوح الجواب قال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي أخبرني عن الإسلام سؤال ملخص وواضح أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان وعن أشراط الساعة قال وما أمرتها ونحن ذلك donc le cheikh de nous dire c'est pour ça que tu vois que les questions de جبريل عليه الصلاة والسلام le prophète عليه الصلاة والسلام sont une preuve de la clarté de la question que la question était précise et très claire qui a fait que la réponse aussi était précise et claire. Jibril a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parle-moi de l'islam. Une question bref et claire. Parle-moi de l'iman, bref et clair. Parle-moi de la bienfaisance, de l'ihsan. Et quand il s'agit de l'heure, il lui a dit, c'est quoi les signes de l'heure, tout simplement. Et les réponses sont toute une religion maintenant. Le hadith de Jibril, tu le prends, t'as... Là, il y a certains hommes de science comme Ibn Taymiyyah, c'est un volume qu'il a fait directement de ce hadith. Parce que c'est toute la religion, parce qu'à la fin de ce hadith, il y a « Hada Jibril », c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. « Fawduh al-su'al wa qillat al-fadih bi-istihdar tafasili wawduh al-su'al qabla an tas'al hada min al-adab alladhi yanbaghi mura'atwa wa kathira ma takounu al-ijaba ghayr wadiha lianna as-sa'il lam yuhsin al-su'al » فلو أحسن السؤال فلو أحسن السائل الاستعداد للسؤال فسأل لكانت الإجابة واضحة donc la clarté de la question et le fait que tu utilises des termes qui sont très courts et précis et qui donnent le détail ben la réponse va être claire et ça fait partie du comportement que nous devons avoir quand on pose la question aux hommes de science beaucoup de fois la question n'est pas claire pour soi, parce que celui qui a posé la question n'a pas préparé sa question. N'a pas préparé sa question et il a donné une question qui n'est pas claire, donc il a reçu une réponse qui n'est pas claire. Pour ça, certains de nos frères et de nos sœurs, des fois, ils disent, demande-moi à l'homme de science si il te rentre dans des détails qui n'ont rien à voir. Juste là, du temps. Des fois, tu regardes le chronomètre, ça a pris du temps alors que tout ceci n'a rien à voir. Ne va pas jouer parce que lui ou la sœur ou le frère croit qu'en rajoutant ces détails, ça va changer quelque chose. Ça ne changera rien du tout. Il y a des choses, ils sont là, c'est juste de la perte du temps. Toi, tu crois que ça va changer quelque chose. Mais en réalité, dans le hukm d'Allah, Azza wa Jal, non, ça ne va rien changer. C'est juste, toi, tu te dis, il ne faut pas omettre ça, il ne faut pas oublier ça, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Il faut savoir être précis et clair dans nos questions. كذلك من الآداب ما يجب مراعاته أمام أهل العلم أن لا يسأل عما يعرف جوابه. C'est fait partie des comportements que nous devons avoir, c'est de ne jamais poser des questions, les situations sur lesquelles on sait la réponse. من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن لا يسأل السائل أهل العلم عن شيء يعرف جوابه. Mais les comportements que celui qui pose la question doit avoir, le comportement qu'il doit avoir, ne jamais poser des questions sur des sujets et sur des trucs sur lesquels il a la réponse déjà. Il sait la réponse. بعض طلبة العلم أو الذين لديهم اطلاع لديهم معرفة يكون قد بحث المسألة وعرف ما فيها من الأقوال ونحو ذلك فيأتي ويسأل فإذا سأل وأجيب بجواب موافق لأحد الأقوال أتى باعتراضات يقول هذا ما دليله هذا الدليل قدح فيه بكذا أو وجه بكذا قال بعض العلم فيه كذا ونحو ذلك ففرق بين أن تسأل لتستفيد أو لتعلم وأنت لا تعلم بين أن تناظر. Donc, certains demandeurs de science ou certains qui lisent, tout simplement, ils ne sont pas demandeurs de science, mais ils lisent les livres, etc., les livres de science, etc. Ils ont certaines données, ils connaissent certains points. Hein? Il a eu l'occasion de chercher sur un sujet. Il connaît les paroles, en général, beaucoup de paroles d'hommes de science sur la situation. Il vient et pose des questions. Et quand l'homme de science lui répond, et si la réponse concorde avec l'une des paroles qui a été dite dans la divergence, une voix, hein, il ramène des oppositions. Il dit, mais la preuve que vous avez amenée là, ben, il a été critiqué par ceci et par cela. Et ainsi de suite. Il commence à rentrer dans un débat avec l'homme de science. Hein? Certains hommes de science ont dit sur ces situations ceci et cela. Il y a une grande différence entre le fait de poser une question pour avoir la réponse et pour profiter de la réponse de l'homme de science et le fait de débattre avec l'homme de science. Il y a une énorme différence. Hein? Enfin, reposer les questions alors que tu y as compris, il y a quelque part de l'ostentation dedans, comme disent les hommes de science. عن وكيع بن الجراح قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وليتقي عادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه فإن ذلك يؤدي إلى إتجار الشيخ. الخطيب البغدادي رحمه الله عليه dans son livre qui appelle La réunion du comportement du transmetteur, il dit que craint Allah subhanahu wa ta'ala de reformuler la question après l'avoir compris, après avoir compris la question, et de la répéter, et de répéter à la question à laquelle l'homme de science t'a déjà répondu. Hein? Parce que ceci amène au fait de énerver le prof, énerver le cheikh. والعالم أو المعلم ليست وظيفته ولم يفتح لك المجال لتناظره. ابتدئ له وقل له أنا أريد أن أناظرك في المسألة الفلانية. Et l'homme de science, et l'enseignant, ce n'est pas sa fonction de t'ouvrir le débat. Hein? Mais si tu veux débattre avec lui, dis-lui, moi je veux débattre avec toi sur tel sujet. Moi que ce soit clair. Pas tu viens, tu poses la question, après toi tu le reprends derrière, etc. Au style du débat. Si tu veux débattre avec lui, tu lui dis, je veux débattre avec toi sur cette situation. Hein? Que tu ailles directement, que tu sois digne du comportement. Et du respect du cheikh que tu as en face de toi. Il y a une grande différence entre le fait de poser des questions et le fait de débattre avec quelqu'un. Même en al-munadara. Ou jadiluka fiha, ta'rif ma indi, wa'rif ma indak, hatta nasila ila al-haq. Ou hada ghayru matloubin ma'a adami ra'ayati al-adabi ma'a ahli al-ilm. لأن في ذلك بعض التعدي على حق أهل العلم إلا إذا أفصحت له بأنك تريد أن تبحث معه هذه المسألة. المناظرة qui est le débat, je veux polémiquer avec toi, je veux te montrer ce que j'ai, les idées que j'ai, tu les soumettre et tu me mets, et on polémique ensemble, on met nos idées face à face pour arriver à une vérité, pour arriver à la vérité. Et ceci n'est pas demandé quand on n'a pas le comportement avec les hommes de science. Il faut préserver le comportement avec l'homme de science. Car quand il le fait sans respecter l'homme de science, etc., ils sont être dignes du comportement que tu dois avoir vis-à-vis de l'homme de science. Tu as dépassé tes limites. Tu as transgressé l'un des droits de l'homme de science. sauf si tu as été clair avec l'homme de science et tu lui as dit je veux débattre avec toi sur ce sujet. Enfin là, il est obligatoire pour nous de faire la différence entre la question et le débat. La question implique une réponse, contrairement au débat. Dans le débat, il y a exposition des deux côtés de leurs idées, hein, et des données qu'ils ont, et de débattre dessus, pour arriver à la vérité. Et quand on fait le débat ainsi, pour arriver à la vérité, c'est légiférer. Des fois même, le débat peut ramener, peut donner beaucoup de fruits, quand il est bien fait, quand le comportement y est, etc. Hein? Certaines formes de débat et demander dans le Coran, Allah l'a ordonné. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Appelle vers la voix de ton souverain avec sagesse, avec bon exhorte et polémique avec eux, débat avec eux de la meilleure des façons. Donc il faut un certain comportement dans le débat. Et il y a aussi un débat qui n'est pas louable. C'est-à-dire, nous polémiquons sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ceux qui ont mécru. Ah. Donc il faut faire très attention. Qu'est-ce que tu veux de l'homme de science? Qu'il te réponde à ta question? Ou là tu veux polémiquer avec, ou là tu veux débattre avec lui? Et si tu veux débattre avec lui, tu lui annonces dès le départ. Comme ça, lui, il se met, s'il a le temps, il dit je débat avec toi. Et rahimallah, l'imam Ibn Baz, une fois le mufti d'Al Ibadiyya de Amman, une grande tête d'Al Khawarij Al Ibadiyya à Amman, a demandé de débattre avec lui. Il a insisté et il voulait que le débat soit à la télé avec. Et Cheikh Ibn Baz, il a refusé, il l'a rejeté. Parce qu'il savait que cet homme qui n'était pas connu, s'il débattait avec Cheikh Ibn Baz, il cherchait quoi? La réputation. Et beaucoup de ceux qui veulent. Qui se montrent, qui débattent avec l'homme de science, etc., ils veulent se montrer. Il y a de l'ostentation là-dedans. Il y a de l'ostentation là-dedans. Hein? Et ceci est très, très dangereux. Faïda adina laka bil bahti, fainnahu inda daka takhrujul mas'ala min kouniha stifta, wa su'al, wa jawab ila mas'alati bahti wa stifsal. وهذا أيضا يكون عند المتعلمين في مجالس العلم فإنه يكون عنده معرفة بالجواب ولكن يسأل ليختبر بعد الأحيان أو ليعلم غيره بأنه سأل سؤالا جيدا ونحو ذلك. Et maintenant si l'homme de science t'a autorisé de faire, de débattre avec lui la situation, le sujet, donc dans ces cas-là c'est plus une question, c'est devenu un débat, donc il le fait, donc il n'y a pas de problème du moment que tu as eu l'autorisation, que tu lui as demandé de débattre avec lui et de chercher avec lui sur le sujet et qu'il a accepté. Donc la situation a changé. Ce n'est plus une question, c'est un débat. Et ça arrive aussi, ce problème de reposer des questions et de faire un petit peu, d'essayer de se montrer devant ceux qui sont du même âge que lui, qui sont dans la même assise, ça arrive, les étudiants en face des hommes de science. Il connaît la réponse, mais il repose la question pour éprouver et pour chercher, hein, pour voir qu'est-ce qu'il a, l'homme de science, dans quel avis il est, etc. Et des fois, pour montrer, lui, il a cherché. Avant d'arriver à l'assise de l'homme de science, il a cherché, etc. Il a réuni toutes les paroles concernant cela. Et il vient pour se montrer devant ceux qui sont du même âge que lui, pour leur montrer comme quoi il s'est posé des questions, qu'il a posé une bonne question. Et tout ça, c'est très dangereux. ويقول الشيخ حفظه الله هذا الوقت الآن تقاصر عن أن نسأل عن شيء قد علمناه فلنسأل عن شيء لم نعلمه فلهذا كان مما ينبغي التأدب فيه ألا تسأل عن شيء إلا عن شيء لم تعلمه ولذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et il dit le temps maintenant il est très court. Et donc pourquoi tu poses des questions sur des sujets que tu connais, des situations que tu connais déjà? Demande sur des sujets que tu ne connais pas et des choses que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il fait partie du comportement que tu ne demandes que des choses que tu ne connais pas. Parce que Allah, il a dit dans le Coran, demandez aux hommes de science quand vous ne savez pas. Et c'est bien précisé dans le verset quand vous ne savez pas. Maintenant, il y a un cas où on peut demander, tu sais la réponse et tu peux demander. Parce que tu sais que telle ou telle personne ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et que de toi, ils ne vont pas accepter cette vérité. Hein? Dans ces cas-là, Jibril connaissait la réponse. Mais il a posé la question pour que les autres apprennent. Non, dans ces cas-là, quand c'est pour que les autres apprennent, dans ces cas-là, les hommes de science, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème que tu poses une question sur un sujet. Tu sais que toi, tu le connais. Mais tu sais que beaucoup de tes camarades, etc., ils vont mieux le prendre si tu le poses, si ils l'entendent d'un homme de science, etc. Dans ce cas, il n'y a pas de mal de poser la question quand l'attention est ainsi. فيقول الشيخ حفظه الله إن كنت تعلم فلا تسأل لأنه قد جاء عندك العلم ووقت المفتي أو العالم أو طالب العلم ينبغي أن يصرف في أشياء كثيرة والواجبات الآن يتقاصر عنها وقت الكثيرين فكيف بالاستطراد ونحو ذلك يدي حفظه الله تعالى كون تي سي نو بوز با لا كيستيون كار تو لا سيونس ديجا بوكو تي لا بوز Et le temps du mufti, ou le temps de l'homme de science, ou le temps du demandeur de science, il faut qu'il soit orienté vers beaucoup d'autres choses. Il en a besoin pour beaucoup d'autres choses. Et les obligations sont nombreuses, et le temps est peu. On a peu de temps. Donc pourquoi continuer à faire perdre du temps et continuer à répéter les questions, etc. Fala'allana naqifuna, inshallah. Subhanakallah, wa bihamdika. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا